bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, bienvenue dans le Lobster 164.0. Et oui, un nouveau Lobster. On est vendredi saint. Je suis en congé Pascal. Et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Journée tranquille. J'ai joué dehors sur mon terrain. Je me suis allumé un feu. J'ai brûlé les cochonneries sur mon terrain en arrière. Je me suis coupé la main. Là, j'ai des points de rapprochement, j'ai une coupure sur le bord de la main, mais ça fait juste ouvrir quand je bouge ma main. Fait que je suis allé m'acheter des points de rapprochement là, pour pas que ça fasse une cicatrice dégueulasse. Et je suis allé voter tantôt. Et en allant voter, le vote a lieu, par anticipation, dans notre bibliothèque. Et en passant, ben j'ai regardé les livres que la bibliothèque donnait, parce que notre bibli, quand elle recycle ses livres, elle fait juste les mettre dans le corridor, puis on peut les prendre si on les veut, puis on laisse 25 sous, mais là, il y avait une cinquantaine de bandes dessinées. Moi, j'en ai ramassé plein, puis j'ai laissé l'argent, j'en ai ramassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 BD, puis 2 Picsou. Puis, je les ai rentrés dans mon cahier, dans mon fichier Excel où je garde le nom de toutes mes BD puis que je garde sur mon téléphone. Et là, je me suis aperçu que le grand décompte du nombre de BD que j'avais était rendu à 2500. Donc, j'ai 2500 BD là, dans ma collection qui sont rentrés dans mon fichier. Et quelle était la 2500e BD? La 2400... Si je retourne voir dans le fichier... Je marque toujours quand c'est des chiffres importants. J'écris quelle BD que j'ai eu à ce moment-là. Donc, si je regarde puis je vais à la fin, la 2000e que j'avais acheté, c'était Astérix et le Griffon qui venait de sortir à ce moment-là. C'était en 2021, le 23 du 10. Et donc là, aujourd'hui, j'ai regardé et 2500, c'est le Marsupilami, le numéro 11, c'est Uba Banana. Donc, c'est ça. Puis je regarde, j'écris de temps en temps combien j'ai de BD. Puis au rythme où je vais, j'en achète environ une centaine ou 120 par année. Ce qui fait que j'achète une BD environ aux 3 jours. Mais c'est sûr que c'est bien rare que j'achète des neuves parce que c'est rendu très cher. Là. C'est 15 à 20 $ une BD normale. Les plus grosses sont beaucoup plus chères. Donc, j'en achète jamais neuf. C'est juste que je suis tout le temps dans les marchés aux puces puis dans les affaires de Bibli. Ça fait que tout ce qui est à 25 sous ou à la boutique Renaissance, c'est 3,25 ou 4. Non, c'est 4,25 maintenant. Donc, j'en achète là. Puis quand il y a les ventes de garage, tout ça, je me promène. Ça fait que c'est pour ça que j'ai comme un shift, que ça finit par faire que j'en achète une centaine, 120 par année. Là. Donc, c'est ça, ma collection qui n'arrête pas de grossir. Maintenant, il faut que je vous parle de quelque chose, un film ciné-cadeau que j'ai écouté hier. On écoute un petit peu, juste le début du film, peut-être que vous allez le reconnaître. Moi, c'est un souvenir. Je vous parle de toute l'histoire au retour, mais en gros, c'est un film que hier soir, je me disais, j'ai parlé avec ChatGPT, puis je lui ai demandé, j'ai dit, je me souviens d'un film que j'ai vu quand j'étais jeune, puis là, j'y ai dit, j'ai 51 ans. J'ai dit, c'est un film dans lequel il y a un jeune enfant qui est perdu sur une planète puis qui est secouru par des gens qui viennent du futur. Puis tout de suite, en 2 secondes, ChatGPT m'a sorti 10 noms de films, puis il dit, je pense que, en premier, il dit que c'est le film, je vous dis pas de quoi, je vous laisse écouter le début du film, juste pour voir si ça vous dit de quoi. Je vous donne un indice, ce petit gars-là qui s'appelle Piel, sur la planète où il est perdu, il se fait attaquer par des frelons, puis il se fait défoncer le dessus de la tête. Donc, on écoute un petit peu le début de ce film. Où es-tu? Tu ne me reçois pas? Je vais enregistrer ce message. Jafar, ici Claude. Je t'appelle de la planète Perdide. Hémisphère Nord, 73e secteur. 16h50, temps universel. Jafar, les attaqué par surprise. Ça a été horrible. Annie est morte. J'essaie d'atteindre la zone des Dolong. Je ne sais pas si vous avez reconnu ce film. Ce film, c'est le film Les Maîtres du Temps. C'est un film qui a passé à Ciné-Cado quand moi j'étais jeune. Puis en plus, sur Internet, j'ai retrouvé la date où il a passé spécifiquement. Ce film-là, il a passé, peut-être que vous l'avez vu. Si vous l'avez vu, il a passé, ils disent, 5 fois en tout au Québec. Il a passé 3 fois à Super Écran en février 1985. Et sinon, moi, j'avais pas Super Écran. Donc, c'est ça, je l'ai vu pendant qu'il passait à Ciné-Cado à Télé-Québec. Donc, il a passé le 20 décembre 1986 ou le 26 décembre 1988. Donc, à ce moment-là, moi je suis né en 73, j'avais 13 ans la première fois ou 15 ans. Et c'est sûr, j'ai pas compris le film. Et même hier, quand je l'ai réécouté, parce que le film il est disponible sur. Archive.org. Il y a quelqu'un qui a mis le film là. Je vous mettrai le lien sur la page Facebook du Lobster si jamais vous voulez aller l'écouter. Là, je vais vous mettre le lien direct. Puis ce film-là vient de ressortir en version 4K remasterisée. Il a tout été recolorié, mais là, il est juste en Blu-ray, DVD. J'ai pas réussi à le trouver à nulle part. Faudrait que je l'achète en France. Puis bon, je l'ai réécouté hier soir. C'est un film qui dure 75 minutes. J'essaie de vous expliquer l'histoire. C'est une boucle temporelle, puis je la comprends pas complètement. En fait, c'est un petit garçon. Son père, il est là sur une planète avec sa mère. Sa mère se fait attaquer par des frelons. Les frelons tuent la mère. Déjà là, c'est le film le plus triste là, de Ciné-Cado. On était trop jeunes pour voir ce genre de film-là, à mon avis. Là. Ça commence comme ça, la mère est morte. Puis là, le père il est en train de se sauver des frelons avec le petit garçon qui s'appelle Piel. Puis là, il y a un accident, le père reste pris dans le vaisseau dans lequel il est. Puis il donne à son petit garçon Piel, il le fait sortir du vaisseau, puis il dit « Dépêche-toi, marche jusqu'à la forêt de telle affaire. » Puis dans cette forêt-là, les frelons ne peuvent pas y aller, puis le père, il meurt dans son vaisseau. Le père s'appelle Jafar, le petit garçon s'appelle Piel. Puis là, avec le gadget que son père lui a donné, il appelle un de ses amis qui s'appelle lui aussi Jafar. Là, je sais pas si c'est le même Jafar que le père, mais en tout cas. Puis là, c'est ça. Le petit garçon, lui, est pogné dans la forêt, il y a Jafar qui s'en vient, il dit « Ok, bouge pas, je vais venir t'aider. » L'ami là, du père a reçu ça, il s'en vient. Puis là, en s'en venant, il arrête de chercher un de ses amis sur une planète qui, lui, s'appelle... comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Puis il part avec cet ami-là, puis là, il raconte, « Ben, gars, on peut parler avec un petit garçon qui s'appelle Pierre, c'est l'ami de mon ami Jafar, puis qui est sur une planète. » Puis là, lui, l'ami du monsieur, en fait, lui, ce qu'on voit, c'est que sur sa tête, il y a une plaque parce que, plus jeune, il a été attaqué par des frelons sur une planète. Puis là, nanana, l'histoire se passe. Puis là, on apprend. Bon, il se passe plein de choses. Puis il y a les maîtres du temps qui sont là-dedans. Les maîtres du temps, eux autres, c'est des gens qui colonisent les planètes. Mais de la manière qu'ils colonisent les planètes, ils font reculer le temps pour que la planète retombe dans un autre type d'air. Puis là, ils la colonisent. Puis la planète sur laquelle le petit garçon est tout seul, c'est cette planète-là qu'ils veulent coloniser, fait qu'ils reculent, mais ils reculent juste de 50 ans ou 60 ans, cette planète-là. Puis là, l'histoire continue, puis là, on voit le petit garçon, quand il sort de la forêt à un moment donné, puis il se fait attaquer par des frelons, puis il se fait attaquer le dessus de la Terre. Puis là, il y a des gens qui viennent le sauver, ce petit garçon-là. On voit des gens qui viennent le sauver, puis ils le guérissent, ils mettent une plaque sur la tête, nanana. Puis là, quand l'autre gang arrive pour le sauver, ben, eux autres, tout le long, ils parlent. Puis l'ami qui est embarqué, que l'autre est allé chercher sur une planète, il parle avec Piel. Mais là, ce qu'on apprend, c'est quand il arrive sur la planète, il n'y a plus personne. Parce que là, il y a comme une boucle temporelle fermée. Puis le petit garçon qui est sur la planète, ben, il parle avec lui-même dans 60 ans. Fait que l'autre qui vient le sauver, il est allé chercher quelqu'un sur une planète. Ben, la personne qui est allée chercher, là, qui est son ami, ben, qui a la plaque sur la tête, ben, c'est Piel 60 ans plus tard. Fait que là, lui, il sait que c'est lui. Puis en tout cas, il joue le jeu, il parle avec lui-même. Mais quand il arrive sur la planète, évidemment, c'est un... il ne peut pas être là parce qu'il a vécu sa vie normale. En tout cas, moi, je comprends pas tout. Puis là, c'est ça. À la fin du film, là, c'est ça qui est dévoilé parce que il y a comme des petites bébêtes là, qui voyagent avec eux. Puis eux autres, ils peuvent lire dans l'esprit. Puis là, avant que le monsieur il meure, là, le Piel du futur, eux autres, ils révèlent à ses amis, ben il dit, c'est lui, Piel, en fait. Puis c'est ça. Puis là, la fin est magnifique. Là. Je pense qu'on va écouter la musique de la fin. Ce qu'on voit, c'est que c'est les maîtres du temps qui sont là. Puis qui sont en train de faire les funérailles avec les amis de l'autre. Puis ils font les funérailles de Piel. Puis là, je pense que c'est là qu'ils décident, en fait, de reculer dans le temps pour donner une chance à ce petit garçon-là de vivre. Puis c'est pour ça qu'ils envoient quelqu'un sauver. Fait que je sais pas à quel moment la décision est prise d'aller le sauver. Puis c'est compliqué. En tout cas, moi, imaginez quand j'ai écouté ça à 13 ans, j'ai rien compris. Mais ce film-là a toujours resté gravé dans ma mémoire pour le petit garçon qui se faisait attaquer puis bouffer le cerveau par des frelons. Fait que j'ai toujours eu ça en tête, puis là, j'étais content de réécouter ça hier. Mais là, juste avant de l'écouter, j'ai écouté une vidéo de quelqu'un qui parlait de Ciné-Cadeau, puis qui disait « Ce film-là, c'est le film le plus triste que Télé-Québec nous a joué, mais ils ont arrêté de le passer. » Là, ils l'ont passé en 86, puis en 88, puis après ça, ils ont abandonné, vu que c'était pas une histoire nécessairement pour le Ciné-Cadeau. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va écouter la fin. Parce que la musique est trop bonne. Moi, je suis tombé en amour avec la musique. Sûrement que c'est pour ça que ça est resté gravé dans ma mémoire. Puis juste pour vous dire, ce film-là, c'est un film qui a été tout dessiné. Il a été dessiné par un dessinateur qui est quand même connu, qui s'appelle... son nom, c'est Jean Giraud. Mais son nom d'artiste, c'est Mobius. Je pense qu'il est bien connu en France. Mais ici... c'est quoi, j'ai regardé dans ses réalisations, là, il a participé à plein de films. Il a participé au film de Alien de Ridley Scott. Et après ça, il a fait les maquettes pour Tron en 82. Il a travaillé sur les maîtres de l'univers. Il a travaillé sur Willow en 88. Après ça, sur Abyss en 89. En fait, en tout cas, le dessinateur est bien connu. Il a travaillé plus récemment sur Le cinquième élément en 97 de Luc Besson. Fait que c'est tous des films que je capote, mais là, c'est drôle de voir que notre film Ciné-Cadeau avait été dessiné sur quelqu'un qui plus tard va participer à plein de films comme concepteur de soit de linge, ou faire les maquettes futuristes pour les décors, tout ça, en tout cas. Personne de talent, ce Mobius-là. Donc, on écoute la fin du film, les maîtres du temps, juste pour faire une pause musique, pour l'écouter, ça dure 2-3 minutes. Vous verrez évidemment pas les images, mais en gros, c'est les maîtres du temps qui laissent partir le Piel 60 ans plus tard, qui est mort, puis qui le laisse partir dans une capsule dans l'espace, puis tous ses amis sont sur le bord du vaisseau, et ils le regardent partir avec tristesse. C'est étrange. Ils ne sont qu'une douzaine, et je ressens les émotions de milliers de personnes. Je sais, moi aussi. D'où est-ce que ça vient, compagnon? Du cœur. Du cœur, Yula. Je crois que nous l'aimions, ce vieil humain, que nous l'aimions beaucoup. Regarde là-haut, un maître du temps. Thank you. voilà pour le film Les Maîtres du Temps. Je vais vous mettre le lien, là, comme je vous disais, sur la page du Lobster. Ceux qui ont le temps, là, un petit 75 minutes, là, c'est un vieux film d'animation, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. C'est une belle petite histoire. J'ai écouté ça relax un soir devant ma TV. Je vais rarement devant la TV, mais là, j'ai pris mon ordinateur, branché ça sur la TV, puis on écoute ça tranquille. Puis, qu'est-ce que j'ai écouté d'autre après? Moi, je suis lancé là-dedans, là, dans les animations. Tu sais, je vous l'avais dit, je me suis désabonné de Netflix pour protester contre Trump et ses cochonneries. Fait que je suis plus abonné à rien. Fait que là, je consomme seulement des choses que je trouve sur Internet. Première chose que je consomme sur YouTube, j'écoute nos influenceurs québécois. Là, je suis en train de tout écouter. Je sais pas si je vous ai raconté. Moi, à job, un de mes collègues de travail là, dans ma même équipe, sa fille, c'est une des influenceurs qui a le plus de nombre d'abonnés sur YouTube. Elle est au Québec, là, elle a 1,3 million d'abonnés, là, la dernière fois que j'ai regardé. Moi, j'écoute pas vraiment ses vidéos. Ben, je les écoutais pas avant, mais j'écoute ceux de Ali Brassard puis un autre qui s'appelle Cheyenne. Puis souvent, ils font des mix, là, ils se retrouvent ensemble, puis nanana. Fait que finalement, j'étais en train d'écouter toutes les vidéos de cette gang-là d'influenceurs. Là. C'est quoi? C'est Cocotte, Ali Brassard, Farley, Cheyenne, Gurky. Puis bon, là, pourquoi je suis parti, ces influenceurs? Ah oui, c'est ça. Parce que je disais à mon plus vieux garçon, à la retraite, j'ai dit, je pourrais être influenceur, mais ça me prend quelqu'un d'autre. Puis là, je lui demandais, toi, tu voudrais-tu être influenceur avec moi? Je demandais ça à mon plus vieux garçon. Puis il disait, non. Puis là, mon plus jeune, lui, non, ça, c'est sûr que non, en tout cas. Bref, mon plan d'être influenceur à la retraite, on oublie ça. Ben, je me disais, ce serait le fun, je pourrais mixer mes vlogs moi-même, puis tout ça. Ben, en tout cas, peut-être. Je me suis dit, je pense que ça serait un beau projet pour la retraite. Tu sais, j'aime ça faire tout le temps, avoir des projets, puis je pense qu'influenceur à la retraite, ça va être mon projet. Bon, puis qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça. J'écoute évidemment ces vidéos-là d'influenceurs et j'écoute aussi sur AnimeSana, c'est bien ça le site? Attends, je vais vous redire le site parce que ça vaut la peine que vous y allez. Le site s'appelle anime-sama.fr, donc A-N-I-M-E-S-A-M-A.fr. Là-dedans, je vous avais expliqué lors du dernier Lobster qu'il y a plein de choses animées qu'on peut écouter. Puis là, c'est ça, j'ai écouté un film qui s'appelle 7 jours. Je ne sais pas sa date de quand, mais c'est l'histoire d'une bande d'amis qui... Il y en a une de là-dedans, là, c'est des adolescents. La fille, elle doit déménager parce que son père est député au Japon, puis il doit déménager pour aller faire son travail ailleurs, mais elle veut pas. Puis là, dans 7 jours, c'est sa fête. Puis là, elle dit ça à son meilleur ami. Puis elle lui dit, « Ah, j'aurais aimé ça pouvoir rester jusqu'à ma fête. » Puis là, son ami lui propose quelque chose. Puis là, ben, on écoute la bande-annonce pour vous donner le goût d'aller écouter ce bon film. C'est un film qui est relax. Mais il se passe de quoi du début à la fin. Je ne sais pas combien il dure de temps. J'ai tout ça ici. Non, je ne le vois pas. Mais gars, on écoute la bande-annonce ensemble pour vous donner le goût d'aller l'écouter. J'aurais au moins aimé pouvoir fêter mon 17e anniversaire avant de partir. On n'a qu'à s'enfuir. Quoi? Dans un endroit où ils ne nous trouveront pas. Oui, je me disais justement la même chose. Enfuyons-nous ensemble jusqu'à mon anniversaire. On va trouver un endroit où camper pendant 7 jours pour le fêter. Ma fille n'est qu'une idiote. Trouvez-la avant que cela ne s'ébruite. Ça vous apprendra à enfreindre la loi. Rendez-vous si vous ne voulez pas que votre vie soit fichue. C'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En avant! Maintenant, fini de jouer. On ne va pas se laisser ridiculiser une nouvelle fois. Comme si une rébellion d'une semaine pouvait réellement changer quelque chose. Les adultes sont des menteurs. Ils mentent tout le temps. Si c'est vraiment comme ça, alors je veux pas devenir un adulte. Donc c'est ça pour la bande-annonce de ce film d'animation, 7 jours. Moi, j'ai bien aimé, comme je vous disais. Fait un beau petit film relax, une belle histoire. Les jeunes s'enferment dans quelque chose pour passer les 7 jours cachés, mais il se passe plein d'affaires. Je vous dévoile rien. Je vous invite à aller l'écouter. pour passer un bon moment. Sinon, j'ai écouté, après avoir écouté ça, les jours d'après, je suis tout le temps en train de chercher sur Anime, sur le site pour trouver d'autres choses. Puis là, j'ai trouvé une série que j'ai clenchée en quelques jours. Le nom est extrêmement long et pas très beau. La série s'appelle Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Power. Donc, rester chill dans un autre monde avec le niveau 2 avec Super Cheat Power. Bon, qu'est-ce qui se passe dans cette série-là? Il y a combien de... je sais pas, il y a combien d'épisodes? Je pense que c'est 12 épisodes de 45 minutes pour la saison 1. La saison 2 est à venir. Mais écoutez, je l'ai écouté là, en 3-4 jours. Puis... puis il y a une belle fin là, même si on n'a pas la saison 2, ça s'écoute, c'est merveilleux. C'est quoi je voulais dire? Ah oui, qu'est-ce qui se passe dans cette série là? Ça commence, j'ai pas trouvé la bande-annonce là pour vous le faire jouer là, mais je vous le raconte. C'est un jeune homme qui est téléporté dans un royaume. Il vit dans, lui, il était un commerçant dans un monde, puis là il est téléporté dans un autre monde. Puis là il arrive là, puis les gens qui l'ont téléporté là, ils disent tu as été choisi comme notre héros pour nous sauver des démons. Puis là il passe une genre de boule de cristal dessus pour voir il est de quel niveau, puis il voit qu'il est de niveau 1. Puis ils disent ben ça a aucun bon sens, tu peux pas être notre héros. Fait que là il donne un sac d'or, puis ils disent désolé, on s'est trompé, mais on n'est pas capable de te renvoyer chez vous. Puis là en tout cas il donne de quoi là, un faux sac là de pouvoir là, avec de l'argent dedans, mais c'est un sac qui attire les monstres pour qu'ils se fassent tuer dans la forêt. Bref, c'est le roi là, qui donne ça pour qu'il aille se faire tuer plus loin. Il l'amène plus loin, mais là, bon, il se passe quelque chose. Il se fera pas tuer, et là, il va monter de niveau, puis là, on suit son histoire. Puis lui, ce qui est drôle dans cette série-là, c'est que on suit pas l'histoire d'un héros qui monte de niveau. On va tout de suite, on va apprendre que lui, ses niveaux, c'est infini en partant. Et dès qu'il a passé son premier niveau en tuant un petit slim, un petit monstre, il tombe à niveau infini, mais il ne veut pas se servir de ses pouvoirs, il ne veut pas combattre les démons. Puis là, c'est toute cette histoire-là qu'on suit. Lui, il devient ami avec une démone, qui est un lycanthrope loup-garou, puis qui devient... bon, un peu son amoureuse, et ça va évoluer. Puis là, il devient ami, il sauve aussi 4 autres femmes. Il y en a une qui était... c'est 4 femmes qui veulent être aventurières, mais bon, ils ont toutes chacun d'autres... il y avait toute une autre profession. Il y en a une qui était palefrenière. Il y en a une qui était une noble. Une autre, c'était quelqu'un qui s'occupait des jardins, qui était agriculteur. Puis... avec l'histoire, tu sais, il les aide à monter de niveau, ces femmes-là, mais finalement, ils vont finir par virer dans le dans qu'est-ce qu'ils ont vraiment le goût de faire. Il devient ami avec les démons, puis c'est tellement le fun comme histoire. C'est pas quelque chose à laquelle on s'attend. Ça fait exactement l'inverse de quoi on s'attend. Là, je vous ai rien raconté. Là, ce que je viens de vous raconter, c'est tout dans le premier épisode là, où il rencontre la lycanthrope démon, où il rencontre les 4 filles qui ont chacun leurs autres rôles. Puis, ils vont tous vivre dans une maison. Puis, il y a plein de gens qui se rajoutent à eux, qui deviennent leurs amis avec le temps. Là, je vous raconte pas avec qui ils deviennent amis, mais c'est vraiment le fun. Puis, tout au long, ils veulent pas se mêler de la guerre. Donc, on écoute juste un petit bout. Je vous fais jouer un petit bout des épisodes. Ça, vous pouvez le trouver sur Anime, sur le site que j'ai nommé tantôt, où il est tout disponible aussi, full qualité, sur YouTube. Vous avez juste à mettre le nom Chilling in Another World with Level 2 Super Cheat Power épisode. Puis vous les trouvez de 1 à 2. Il faut juste commencer, c'est un playlist. Il faut commencer par le dernier. Ils les ont mis par groupe de 2. Fait que vous pouvez toutes les écouter direct de YouTube. Fait que c'est quand même pratique aussi. Donc, on écoute un petit bout pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Ça a été efficace. Je ne comprends pas. J'ai essayé de vous tuer. Je méritais d'être exécutée et dépecée. Mais vous avez pris soin de moi. C'est pourquoi je fais le serment de ne plus jamais attaquer d'humains sans raison. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Ce n'est pas tout. Je m'incline face à vous et reconnais votre puissance. Je vous accepte comme maître. Sachez que je vous serai éternellement redevable. Ma vie vous appartient désormais, maître. Hein? T'es pas sérieuse, là? Tu crois pas que ta réaction est vraiment exagérée? Mais, maître! Ne m'appelle pas comme ça, ça m'est mal à l'aise. Donc voilà, ça vous donne une bonne idée à quoi ressemble la série. Moi, j'ai bien aimé, comme je vous dis, je l'ai dévoré en 3-4 jours. Donc, si ça vous tente ce genre d'animation, allez le dévorer à votre tour. Sinon, de quoi je voulais vous parler cette semaine? Et oui, j'avais un gros sujet. En fait, c'est une situation qui m'est arrivée, puis je me demandais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Cette semaine, sur mon heure de lunch vendredi, il faisait beau dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti marcher. Bon, puis j'avais pas trop faim pour dîner parce que pour déjeuner, bon, j'avais mangé du porc puis des patates. C'était quand même un gros déjeuner. Le porc était en spécial chez IGA. 10$ pour un gros rôti de porc, fait que j'avais fait cuire ça la veille. Puis j'avais le matin, j'ai déjeuné avec ça puis des patates. Bon, on s'écarte. Puis là, c'est ça, le dîner arrive, puis j'avais pas faim. Donc, j'ai dit, je vais juste manger un chocolat en allant marcher. Donc, j'ai ramassé une caramel qui traînait. Puis je suis parti marcher à la bibliothèque et je mangeais ma caramel. Et bon, ça m'a pas pris trop de temps que la caramel était disparue. Et puis moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je me suis rendu à la bibliothèque, qui est à environ 700 mètres de chez moi. Puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis allé lire la revue National Geographic. Souvent, je me rends à la bibli pour lire ces revues-là. Puis je reviens après, là, j'ai une heure pour dîner. Puis ça m'évite de les acheter. C'est des revues qui sont quand même coûteuses. Donc, je vais les lire à la bibliothèque. Bon, puis après avoir... j'ai lu ma revue... Puis j'ai joué aussi un peu du piano. Il y avait même une dame sur place. Le piano là-bas, il est vraiment mal accordé, puis il sonne cacane. Puis là, il y a une madame qui m'écoutait jouer. Moi, je jouais des choses de mémoire, puis elle dit « Ah, vous êtes vraiment bon! » Puis ça sonnait tellement pas beau. En tout cas, c'est drôle, là, pour des gens, c'est comme si je t'ai rendu bon. Mais je commence à être meilleur cette semaine à mon cours de... Je m'écarte tout le temps, mais cette semaine, jeudi, j'avais mon cours avec ma professeure, puis... Tu sais, je suis en train de me bâtir un répertoire. Il y a des chansons que j'adore et que je garde, chaque semaine ou ben chaque deux jours, je les repratique pour ne pas les oublier. Donc là-dedans, il y a Una Mattina, il y a Plutôt de Alexandra Stravinsky. Puis ça faisait longtemps que mon professeur ne m'avait pas demandé de jouer Plutôt d'Alexandra Stravinsky parce que là, on pratiquait une autre toune qui me fait, comme je vous disais, là, on essaie de monter le niveau la vitesse à laquelle je le joue. Puis là, au lieu de me demander cette chanson-là, elle dit « Ah, cette semaine, tu vas me jouer plus tôt. Je vais voir comment tu la maîtrises encore. » Puis plus tôt, c'est ma chanson favorite. Puis je la joue souvent, puis j'essaie de la jouer vite. Puis là, ça a tellement bien été jeudi soir. J'y ai joué là, tout au complet la chanson. Puis à une vitesse que je joue rarement. Là. J'étais quand même rapide. Puis j'ai fait quoi? 2-3 erreurs sur... 3-4 pages de partition, c'est quand même pas beaucoup. Puis j'ai vraiment enchaîné, puis à la fin, la prof était vraiment contente. Là, elle m'a dit que j'étais bon. Puis moi, j'ai dit, ben là, ça sonne comme quelqu'un que ça fait un an et demi qui joue du piano. J'ai dit, je suis fier de moi. J'ai dit, je pense que je voulais bien jouer. Puis elle était contente aussi. Fait que en un an et demi, j'ai réussi quand même à maîtriser une belle chanson puis à bien la jouer. Puis écoute, il y a un bout que je ralentis toujours un petit peu, mais ça sonnait vraiment bien. Donc, c'est ça. Je m'étais écarté. Et là, on est sur le retour de la bibliothèque. Et oui, dans mon affaire où je veux vous demander qu'est-ce que vous auriez fait. Donc, on revient de la bibliothèque, puis... j'ai repris le même chemin pour revenir à la maison après avoir lu ma revue. Et là, juste en passant devant ma boîte aux lettres, il se passe un événement. Je regarde par terre et je vois un morceau brun de chocolat. Donc, je passe devant le morceau puis je dis « Ah, tiens, un morceau de chocolat par terre. » Puis je continue. Puis là, je me dis « Ben voyons donc, un morceau de chocolat qui traîne par terre, c'est sûrement moi qui ai échappé ça, là. » Et les oiseaux l'auraient mangé sinon. Là. Fait que là, j'étais rendu un peu plus loin et j'ai reculé. Je suis retourné devant ma boîte aux lettres où était le morceau de chocolat. Puis je regarde dessus. Et qu'est-ce qui est écrit sur le petit morceau? C'est écrit caramel. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai-tu échappé du chocolat? Là, je l'ai mis dans ma bouche après l'avoir essuyé un peu. Puis j'ai dit, probablement que j'ai échappé le morceau en passant tantôt. Puis c'est là que je me suis mis à rire. Puis là, je me suis demandé, est-ce que n'importe qui d'autre aurait ramassé le morceau de chocolat par terre pour le manger? Donc, écrivez-moi sur le site du Lobster, vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, je m'attends à avoir deux réponses. Il y a deux personnes qui me répondent quand même assez souvent sur le site du Lobster. Il y a Martin, mon ami. Donc, je compte sur toi. Je veux avoir ta réponse. Est-ce que tu aurais mangé le morceau de chocolat? Et sinon, il y a Nicolas Bernard, l'autre personne qui, à chaque fois que je sors un Lobster, met un pouce en l'air pour dire « Hum ». Donc, j'attends vos réponses. Si j'ai au moins une des deux qui répond, c'est quand même 50%. 50%, c'est bon. Donc voilà, c'était ma question de la semaine dans le Lobster. Est-ce que vous, vous seriez assez dédaigneux ou non pour manger le morceau de chocolat que j'ai retrouvé par terre? Puis moi, juste pour vous dire, je suis quelqu'un qui est vraiment pas dédaigneux, là, OK? Un exemple de ça, dédaigneux, là, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que je m'en fous un peu de manger n'importe quoi. Puis... En gros, ben, je sais pas c'est quoi la vraie définition, puis ça me tente pas d'aller chercher, mais en gros, là, je suis pas. Je peux manger un peu n'importe quoi, puis ça me dérange pas. Puis un exemple de ça, je me souviens que avec mes amis, on a fait un genre de pas un marathon, là, mais c'était une sortie de bicycle. C'était quelque chose d'organisé, puis il fallait faire genre 10 km en bicycle. C'était à c'était pas à Valleyfield. C'était à Pointe des Cascades, il me semble. Ou à Montréal, en tout cas, je suis vraiment perdu, peu importe. Ça fait quand même longtemps de ça, on était plus jeunes. Je me souviens que mon ami Nicolas était là, il y avait mon ex qui était là, il y avait plein de monde, plein de mes amis qui étaient là. Et bon, on part, on a nos bicycles. Moi, comme d'habitude, j'ai mon vieux bicycle qui va pas bien. On pédale, il fait chaud. Puis là, on avait juste, l'organisation nous donnait une bouteille par personne. Évidemment, ma bouteille, après, quand on arrive à la place pour faire une pause, ma bouteille était déjà vidée. Et qu'est-ce que je vois pas par terre? C'était comme une place ou un mini-parc sur le trajet, puis tout le monde qui avait eu des bouteilles d'eau, qui participait au concours, jetait leurs bouteilles d'eau par terre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'étais allé me chercher une bouteille d'eau à terre à moitié pleine. Et j'étais tout content. J'ai dit, ah, de l'eau. Et j'ai pu, m'abreuver. Mais c'est juste un exemple pour vous dire que je suis pas dédaigneux. Bon, là, vous allez me dire... C'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Évidemment, je ne savais pas à qui appartenait la bouteille. Elle peut avoir des bobos. Ça pourrait être un itinérant, mais bon, c'était quand même. Il y avait plein de gens qui avaient jeté leur bouteille proche de la poubelle parce que là, la poubelle était pleine, puis tout le monde tirait sa bouteille à côté. Fait que je me dis que c'était une bouteille de l'événement. Donc, c'est pas si pire. C'est comme si un ami m'avait prêté sa bouteille pour que je la finisse. C'est, dans ma tête, c'est ça. C'est sûr que maintenant, il y aurait 100 000 raisons pour ne pas faire ça. Mais bon, j'avais soif à ce moment-là. Donc, vous me direz sur le site du Lobster, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous auriez mangé le chocolat par terre? Ou est-ce que vous auriez bu à la bouteille trouvée lors d'un événement sportif? Donc, c'est ça. On part en une petite pause, puis au retour, on parle de d'autres dossiers très chauds. C'est ça dans le Lobster, hein? Il y a des portions où on a des émotions, quand je parle de nos vieux films de ciné-cadeaux. Et des fois, c'est plus actif quand je parle de mes cochonneries qui m'arrivent au cours de la semaine. Donc voilà, une petite pause, puis au retour, on continue ça. Comment met-on le caramel dans la caramilk? À la demande générale, Cadbury a désigné le professeur Laurando pour expliquer ce procédé. Le chocolat fondu à une température critique rejoint le caramel d'une viscosité prédéterminée dans des moules électro-galvanométriques. 50% de nos efforts portent sur le chocolat, 50% sur le caramel. Jamais le contraire. Une caramel finie n'est jamais entièrement achevée tant qu'elle n'est pas complètement terminée. Merci. On est déjà de retour dans ce Lobster 164.0. Je voulais juste vous dire un petit mot là, à propos du film Les Maîtres du Temps. Si vous pensez l'écouter, c'est correct, mais c'est pas pour les enfants. Là, hein. Ça a beau passer à ciné-cadeau dans le temps. Là. Ça commence par la mort des parents d'un petit gars, puis ça finit par la mort du petit gars. Fait que c'est pas un film pour enfants. Là. Puis il est tellement compliqué avec sa boucle, son paradoxe temporel. C'est un film pour adultes. Donc je voulais juste vous le spécifier. Là, c'est pas pour les enfants. Bon, de quoi je vous parle? De quoi je vous parle maintenant? Faudrait parler un peu du pape. Hein? On est dans la semaine sainte. Moi, je suis zéro religieux. Je suis athée. Mais bon, à cause de tous mes objets maudits que j'ai pas loin de là, j'ai vois là mon ou ce que j'ai serre là pas loin de moi sur une table. J'ai toutes mes puis là mon frère il arrête pas de me donner des objets religieux. On dirait qu'il entretient ma légende. Là il m'a donné, je suis descendu pour la fête de mon neveu à Québec. Puis là il m'a donné deux, c'est des croix mais c'est comme caché à l'intérieur. C'est des croix pour donner l'extrême onction. Tu vois, c'est une croix en bois, mais là, le dessus s'enlève, puis dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit... il y a deux bougies. Les deux bougies peuvent être mises sur les bouts de la croix. Il y a l'espace pour ça. Tu les allumes, puis après ça, dedans, il y a comme une petite affaire avec le Saint-Crème, là, c'est pour donner l'extrême onction. Quand quelqu'un est sur le bord de mourir, tu peux prier avec lui, puis tu mets cette affaire-là dans le front, je pense. Mais là, mon frère, il m'a donné deux kits de ça, un dans une boîte en bois, puis un autre dans normal. Fait que là, je suis pogné avec toutes sortes de cochonneries religieuses. Puis dernièrement, c'est quoi qu'il m'avait donné? Il m'avait donné un banc pour prier aussi, qu'il avait acheté au marché aux puces. Mais là, c'est un vrai banc là, qu'on se met à genoux dessus puis on peut prier. Mais le banc, il était magané. Puis là, moi, ce que j'ai fait, je l'ai tout restauré. Je l'ai tout sablé, je l'ai reverni. Je l'ai repeinturé d'une belle couleur bois. Je l'ai verni. Puis je m'étais acheté chez Winners? Non. Non, au Village des Valeurs. J'avais acheté un beau tissu rouge. Puis là, j'ai tout refait l'endroit où on met nos genoux puis nos coudes pour prier. Mais là, je suis pogné avec ça dans mon garage puis j'ai pas de place. C'est pas... Je suis pogné avec plein d'objets religieux que j'ai pas besoin. Bon, pourquoi je parlais de Jésus? Ah oui, on parlait de Dieu parce que c'est la semaine de Pâques. C'est pour ça que j'enregistre mon Lobster aujourd'hui parce que je suis en congé. Vendredi Saint. Donc moi, ce que je me dis, il me semble que chaque année, quand c'est le temps de Pâques, on va voir comment va le pape. On s'en va sur le site du Vatican et on écoute leur podcast. Donc, on va aller écouter un petit 1 minute, 2 minutes juste pour prendre des nouvelles du pape. Tu sais, c'est quand même important la semaine de Pâques. On va aller prendre des nouvelles du pape. Donc, dans le Lobster, on écoute un autre podcast. C'est vraiment merveilleux. Hein? On fait des choses qu'on ne fait pas ailleurs. Donc, on écoute 2 minutes, je vous dis quoi, 2 minutes et demie de Vox Mundi. C'est les nouvelles de ce qui se passe au Vatican, sûrement qu'ils vont parler du pape. Donc, je vous mets sur pause, moi, puis je vous fais jouer ce petit bout-là pendant 2 minutes, juste pour qu'on prenne des nouvelles du pape. Vox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine, vue par Radio Vatican. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Vox Mundi, Marine Henriot pour vous accompagner ce soir. Alors cette émission nous emmènera en RDC, en Côte d'Ivoire, également en Terre Sainte. Mais c'est ici, à Rome, que nous commençons avec une nouvelle visite inattendue pour le pape François cet après-midi. Il s'est rendu à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de la capitale italienne pour s'y recueillir, le signe d'une amélioration de sa santé. Bonsoir Olivier Bonnel. Bonsoir Marine. Alors cette visite s'est déroulée dans un lieu particulièrement cher au souverain pontife. Oui Marine, cette visite à Sainte-Marie-Majeure était hors programme. Le pape s'est donc rendu dans cette basilique romaine qu'il affectionne particulièrement, vous le savez, pour aller se recueillir devant l'icône de la Vierge, Salus Populus Romani, cette image devant laquelle il se rend toujours au début et au retour de chaque voyage apostolique. Le 23 mars dernier, le jour de sa sortie de l'hôpital Gemelli, où il avait passé 38 jours en raison d'une double pneumonie, François avait effectué un arrêt à Sainte-Marie-Majeure, sans pour autant y rentrer. Le Saint-Père avait offert au cardinal archiprêtre de la basilique un bouquet de fleurs offert plus tôt par une femme au Gemelli pour qu'il soit déposé au pied de l'icône de la Vierge avant de regagner la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Et il faut dire, Olivier, que la sortie d'aujourd'hui n'est pas la première surprise de la semaine. Et non, loin de là, en témoigne cette visite jeudi dans la basilique Saint-Pierre qui a surpris tout le monde, à commencer par la gendarmerie vaticane. On a pu voir François poussé en fauteuil roulant, saluer des touristes et fidèles dans la basilique. Vêtu d'un simple poncho de laine, le pape venait se recueillir sur la tombe de son prédécesseur Saint Pidis, près de l'autel de la chaire et devant un monument dédié à Benoît XV. La veille, Marine, le Vatican avait publié aussi une photo du roi Charles III d'Angleterre et de la reine Camilla, venue à Sainte-Marthe saluer François. Là aussi, ce fut une surprise. Cette visite n'avait pas été programmée. Le souverain anglais et son épouse qui se sont entretenus une vingtaine de minutes avec le pape. François qui avait également effectué sa première sortie publique dimanche dernier à l'issue de la messe célébrée place Saint-Pierre à l'occasion du jubilé des malades. Les améliorations de son état de santé sont là, Marine, en témoignent les progrès effectués en ce qui concerne sa motricité, sa respiration et l'usage de sa voix. Merci Olivier Bonnel, et toutes ces informations sont bien sûr à donc retrouver. Voilà, c'était important quand même, la tradition est respectée dans ce Lobster 164.0, on a pris des nouvelles du pape à Pâques. C'est une tradition que je veux respecter. Mais bon, parlant du pape, j'espère que vous le savez, là, c'est quand même un peu du cinéma, tout ce qu'il nous fait là, parce que le pape, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un vampire. Et oui, bon, il va faire semblant de mourir à un moment donné, mais bon, en fait, il va juste, quand il est tanné, bon, il retourne à la vie de vampire dans les douves là, du Vatican. Là. C'est pour ça qu'en dessous, ils ont plein d'affaires de cachées, là. C'est pas des livres qui ont de cachés, là, c'est des cercueils avec plein de vampires. Puis je sais pas si vous avez entendu la chanson là-dessus, comme de quoi que le pape est un vampire. Alors je pense qu'on va la faire jouer. On l'écoute. Ah oui, on l'écoute. Bon, c'est pas vraiment la vraie chanson du pape vampire. C'est moi qui est allé dans Suno. En fait, je suis allé dans ChatGPT. J'ai dit, sors-moi les paroles d'une chanson comme de quoi que le pape est un vampire. J'ai pris le cut and paste. J'ai mis ça dans Suno, où est-ce que j'ai plein de crédits. Puis j'ai dit, fais-moi une chanson. Puis c'est quoi j'ai demandé comme style? J'ai regardé, j'ai dit, le style, c'est du French Grim Surf Rock Adagio. Tu sais, j'en ai fait plusieurs, des chansons, là, surtout des chansons de style Goldorak là, ou Candy, là, les vieilles émissions. Puis je trouve que c'est un beau style, là, French Grim. Puis là, je viens de voir que sur Suno, ça s'écrit suno.com, vous pouvez vous faire un compte gratuit, puis ça accumule des crédits là, avec le temps. Puis ils sont rendus à la version 4 d'intelligence artificielle dans leur outil à eux. Puis ça vient de prendre une coche, là. J'ai pas eu besoin de faire 10 essais pour pogner une bonne chanson, là. J'y ai rentré ça, j'y ai mis ça, puis vous avez entendu le résultat, c'est quand même beau. Donc, on voit qu'eux s'améliorent aussi. La dernière fois que je vous générais des chansons, c'était avec la version 3.5. Là, avec la version 4, de ce qu'il y a de nouveau, ça dit des nouveaux vocaux, puis les vocaux sont de meilleure qualité. Donc, les personnes qui chantent, ça fait moins intelligence artificielle. Puis là, on peut se rendre à 4 minutes de temps, mais avant, on pouvait aussi 4 minutes. Donc voilà, puis ça me fait justement penser l'autre jour, c'est Radio-Canada, c'est ça? Oui, j'écoutais la Radio de Canada, puis ils se sont mis à faire jouer une chanson, puis tout de suite j'ai vu que c'était l'intelligence artificielle, puis je sais pas si c'était dans le cadre de quoi, c'était un article sur quelque chose, ils parlaient de quelque chose, mais ils ont pas dit que c'était de l'intelligence artificielle, mais moi je l'ai reconnu tout de suite, là. Les voix à l'intelligence artificielle, c'est pas encore exactement ça, puis on le reconnaît, mais là je trouvais ça drôle que Radio-Canada fasse jouer des chansons d'intelligence artificielle. Ils l'ont fait tout jouer, la chanson. Je me rappelle plus c'était quoi, là. Le nom m'est pas resté en tête, mais bon. Ça me faisait drôle de voir que notre radio d'État joue une chanson qui... en tout cas, que moi, je vous dirais que j'étais sûr à 95% que ça avait été généré par intelligence artificielle à cause des voix. Donc voilà, je pense que je vais reprendre une pause parce que je veux aller... là, il est rendu 8h30 vendredi. Je vais prendre une petite pause. On va continuer le Lobster, bien sûr, après la pause. Mais moi, je m'en vais écouter une autre animation sur le site. J'ai vu que Dan Machi est là sur le site. Fait que je vais aller le réécouter. Ça, c'est une série d'animés. De mémoire, il y a 3 saisons en français. Et moi, j'ai écouté les 3 premières saisons. Mais là, quand j'ai cherché là-dessus hier, puis j'ai vu qu'il y a version... Il y a la saison 4 et là... Version saison. Elle est coupée en deux parties, c'est ça que je voulais dire. Mais faut écouter en japonais avec des sous-titres. Après ça, j'ai vu qu'il y a une version originale avec un film. En tout cas, il y a plein de stocks que j'ai pas vu de Dan Machi. Puis je vais aller le réécouter au complet. C'est tellement bon. Avec 3 saisons en plus à réécouter. Dan Machi, c'est quoi? C'est du Donjon Dragon. Dans une ville, il y a comme une grosse tour et les gens rentrent dans ce donjon-là et descendent. Et là, ils vont se faire de l'argent en tuant des monstres. Mais plus tu descends, plus c'est dangereux. Il y a même des gens qui habitent là. Il y a des marchands, tout ça. Plus tu descends de niveau, plus c'est dangereux. Puis les héros qui descendent dans ces choses-là, souvent se font commanditer par des dieux. C'est un monde où il y a beaucoup, beaucoup de dieux. Et là, il y a une déesse déchue, un peu névrosée, comique. Ouais, évidemment, c'est des animés japonais. Puis souvent, les femmes mettent des gros seins. Fait que le dieu qui va subventionner le jeune homme, vu qu'elle est déchue, elle n'a pas d'argent en plus. Fait que là, il est comme mal équipé, mais elle est super gentille avec lui. Puis là, elle sert de ses autres amis dieux pour... À un moment donné, dans la saison 2, là, elle demande à une de ses amies, « Tu pourrais pas y faire une épée qui a du bon sang? » Puis en tout cas, elle parvient là, à s'en occuper, puis c'est beau son histoire. Lui, il tombe amoureux durant les 3 saisons d'une guerrière qui est super forte, habillée de blanc, puis tout ça. Puis en tout cas, mais lui, il devient quand même bon avec son équipe, puis tout ça. Il réussit avec sa déesse qui s'en occupe, puis qui est amoureuse de lui. Ça tourne autour de ça. Il réussit à s'équiper un peu, puis à faire des choses le fun. Puis il y a toute une intrigue qui suit les 3 saisons. Je me rappelle plus c'est quoi l'intrigue, donc ça vaut la peine que je le réécoute, mais il y a une intrigue qui se poursuit dans tout le... qui explique pourquoi le donjon se modifie, puis qu'il y a toujours des nouvelles créatures, puis il se passe quelque chose en lien avec ça. Fait que la trame est sur ça, sur ce qui se passe dans le donjon, pourquoi il se modifie, pourquoi les créatures se régénèrent. Il me semble que c'était ça. Donc, je vous dirais que ça, c'est une bonne série aussi à écouter là, sur le site gratuit d'animation. Ça s'appelle Dan Machi, Danmachi. Puis, je pense que je vous ai parlé de l'année passée. Ça avait passé sur Netflix. C'était Glouton et Dragon. C'est un autre animé. Puis c'est super bon, là, mais c'est du Donjon Dragon, mais du point de vue de les héros. Ils rentrent dans le donjon, mais ils mangent les monstres. Puis à mesure qu'ils cuisinent, ça leur donne des pouvoirs. En tout cas, ça les régénère, ça les aide. Puis c'est tout ça qu'on apprend. Puis ça a passé sur Netflix, mais si vous ne l'avez pas vu ou si vous n'avez pas de Netflix, j'ai vu hier qu'il était sur le site d'animé que je vous ai donné gratuit. Il s'appelle pas Glouton et Dragon, c'est le nom japonais qui est là sur le site. Mais donc, juste aller voir sur le wiki, là, ben, je peux toujours le faire. Donjons et Dragons. Non, Donjons et Gloutons. Et Gloutons. Et Gloutons. Ouais, Gloutons et Dragons. Ça s'appelle Dungeon Meshi. Donc, sur le site d'animé, il va être sur le nom, d'après moi, Dungeon Meshi. D-I-N-G-O-N Meshi. Puis là, traduit en vrai japonais, ça dit repas du donjon. Puis nous, sur Netflix, ils nous l'ont traduit sur Gloutons et Dragons. Donc, si vous voulez écouter ça, c'est bon. Tout, c'est une série qui se termine, Gloutons et Dragons. Je ne sais pas s'ils ont annoncé une suite, là. Ah oui, il y a sûrement une suite parce que la manière que ça finit, ça laissait place à une suite. Mais ça vaut la peine de l'écouter, c'est tellement le fun. C'est quoi je voulais dire? Quand sort la saison 2, il y a un site, 19 juin 2000, ok, saison 2 est sortie. Quand sort la, ça fait dire, j'ai vu les deux, ça, la saison 3, Gloutons et Dragons de retour sur Netflix le 3 avril 2024. Donc, il a commencé à sortir janvier, février, mars, avril. Ah, donc c'est pour ça que je l'ai vu sur mon site, parce que sur mon site gratuit d'animé, il y a un calendrier des sorties. Dès que quelque chose apparaît sur Netflix ou Amazon ou ça, les gens le copient, le mettent disponible sur Internet, puis ça apparaît sur le site. Puis c'est pour ça, il était dans le calendrier des nouvelles sorties, c'est comme ça que je l'ai vu. Ah ah! Donc voilà, c'est saison, ça veut dire qu'on peut déjà écouter deux saisons sur le site gratuit, puis la troisième, à mesure que ça sort sur Netflix, ça sort le lendemain sur le site de choses. Fait que pas besoin de s'abonner à Netflix. Donc on fait une petite pause musicale ou comique, puis moi je vais écouter la TV, je vais écouter Dan Machi, mais au retour j'ai encore plein de choses à vous parler. Faut que je vous parle de la saga de mes cartes postales, ça se poursuit. Donc, petite pause et au retour, on parle de ça. Bonjour, ici Caresse Dubois, actrice, productrice et réalisatrice de films porno haut de gamme, comme Quatre cochonnes pour un curé et Ding Dong, voici Lilicheuse. Je suis avec mon coproducteur, mon pimp occasionnel, mon ami de toujours, M. Guillaume Lambert. Namasté. Bonjour. Aujourd'hui, on veut vous parler de sociofinancement et de comment vous, à la maison, pouvez faire partie d'une grande œuvre de création érotique. Notre prochain film, Oh les pénis, je vous arrête. Les aventures de Juicy McBoob, détective nymphomane. Qui va probablement se ramasser sur Internet avec le titre Une fille dans un motel avec deux gars numéro 137. L'important, c'est qu'on a besoin de vous et qu'on est prêt à tourner. Malheureusement, nos associés se sont désistés. En fait, on s'est dissociés à cause de divergences artistiques. Et comme d'habitude, des mots ont été prononcés et des coups de feu ont été tirés. Une naine déguisée en licorne est morte. Repose en paix, Tiny Tina. Une petite actrice, mais une de nos plus grandes salopes. Elle était cochonne comme une fille de 6 pieds 5. Mais Guillaume, pour les gens qui nous regardent à la maison, comment ça marche le sociofinancement de films porno? Au départ, pour faire de la porn, ça prend une couple d'actrices qui ont la passion de... J'ai Costco acheté des gros... Tout ça dans le respect et l'harmonie. En conclusion, tous les grands réalisateurs l'ont dit, il faut investir quand on veut ça par en arrière. Merci, Guillaume. Faire de la porn, ça coûte cher. Pour une production comme la nôtre, il faut investir dans le développement d'un scénario d'à peu près 2 pages, sans compter le 28 $ que ça coûte en costume et en décor. Qu'est-ce que serait une production de Caresse Dubois sans Bobby de Dickman? Bobby, déjà 654 scènes tournées ensemble, qu'est-ce que ça représente pour toi, la porn? Moi, la porn, ça m'a apporté ma plus grande fierté, une nouvelle forme de styliste qui porte mon nom. Bravo. Ouais. Puis y'a personne qui pourra me l'enlever, ça. Ils ont tout essayé. On t'en souhaite encore plusieurs. Voyez, c'est avec votre argent qu'on réalise des rêves. L'argent que vous nous donnez, ça va pas tout dans nos poches. Ça sert à développer du nouveau talent comme Candy Baby Doll. Bonjour. Candy Baby Doll, c'est mon vrai nom. Mon nom de pornstar, c'est Clairette Gaboury. Clairette, il y a pas une heure, t'étais caissière d'un pet shop. Là, tu t'apprêtes à participer à un gangbang avec des caméras et sans condom. Comment tu te sens? J'aime travailler avec le public et j'ai peu d'estime de moi, fait que je suis contente. Avec vos dons, on veut explorer, on veut repousser les limites, on veut provoquer la masturbation et la réflexion. Mon rêve, c'est de faire une comédie romantique, musicale, porno. OK, alors dans 3, 2, action, ça sonne à la porte. C'est qui? C'est moi! Qu'est-ce que tu fais là? Je ne sais pas, je veux faire l'amour! Ben viens donc dans mes bras! Non, je ne veux pas, tu dois me faire la cour! Fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, coupé. Très bien. On va s'en faire une. Vous allez tenir la note. Fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou, fou. C'était super. C'était superbe. Notre force dans l'industrie, c'est les gens. C'est les rencontres. C'est ce qu'on vit ensemble. Les gens de la porn. Si je les appelle à 3h du matin parce que j'ai une actrice en overdose dans le coffre de mon char, sont là. On a besoin de vos dons pour continuer notre mission de filmer des personnes qui rentrent des parties de leur corps dans des parties de corps d'autres personnes. En attendant, on se relève le manche puis on continue. Oh my God, c'est donc bien clever. Vous voyez, c'est ça les gens de la porn. Des gens de cœur et de cul. Yeah! Tellement contente de te rencontrer, Simon. Moi aussi. Fait comme ça, t'es végétalienne? Ouais. Mais je suis pas gossante avec ça, inquiète-toi pas. Ah, tant mieux. Le végétalisme, c'est une décision personnelle qui n'affecte que moi. Je suis complètement à l'aise dans un resto où on sert des morceaux de corps arrachés à des êtres vivants assassinés. Pas de problème. Sérieux, ça me dérange non. pas de... Moi, ma philosophie, c'est vivre puis laisser vivre. Fait que si tu veux déchirer la chair de créature vivante avec tes dents, je t'empêcherai jamais de mastiquer puis de te gorger des tissus musculaires de nos cousins massacrés en usine. Si tu veux dévorer la peau, sucer la moelle des os ou manger les entrailles d'êtres sensibles qui ont souffert pour ton plaisir, je t'encourage. Non, mais vraiment... Arrête ça, là! Ils sont morts, ces animaux-là! C'est pas grave! Bon, moi, perso, je préférais mourir par un après-midi d'automne emporté par un chagrin d'amour en écoutant du Adèle, mais mourir dans une fabrique de saucisses hot dog en te faisant couper la tête pendant que tu rentres dans un grinder, c'est correct aussi. À ce qui paraît, les dépouilles de poules sont excellentes ici. Puis je suis certaine que les corps sans vie qui te font manger ont été réfrigérés avant la putréfaction, fait que j'insiste, mange une carcasse d'oiseau éviscérée puis brûlée dans l'huile bouillante, ça me fait plaisir. Ça va. Pas de viande aujourd'hui. C'est comme tu veux. Tu pourrais prendre une omelette au fromage? Tu savais que des œufs, c'est des ovules de poule qu'elles évacuent leur vagin? Y a pas d'omelette. Je sais, mais je voulais te mentionner que des œufs, c'est des ovules. Tu savais qu'on peut remplacer les protéines d'une tranche de jambon en mangeant 4 kilos de pois chiches par jour? Moi, je me lève à 3 heures du matin pour commencer à manger, mais je me sens tellement mieux, là. Parle-moi de toi. OK. Moi, je travaille pour... Oui, toi? Oui. T'es sûre? J'ai jamais été aussi en forme. OK, comme je disais, je travaille... Oh my God! Es-tu correct? Ça va, c'est parfait. Non, mais... Je suis correct, je t'écoute. Non, t'as pas l'air correct, là, sérieux. Tu travailles dans quel domaine? Non, je travaille encore... Mais voyons donc! Je suis correct, mon corps est au maximum de la performance humaine. OK, on va remettre ça. Ça marche pas, là. Je vois plein de spots noirs devant mes yeux, mais je suis en pleine forme. Ça, c'est pas normal. Mais oui. Je pense pas. Je veux que mon exemple t'inspire à adopter un régime à base de légumes. Je suis pas une végétalienne hystérique qui fait peur au monde. De retour dans ce Lobster 164.0 et il y a un petit peu de temps qui s'est passé depuis le dernier enregistrement. De mon côté, ça m'a permis d'écouter Dan Machi. Je suis rendu à la saison 3, là, l'animé que je vous disais que j'allais écouter. Ben, c'est très bon. Et je me suis rendu compte que j'avais vu juste la saison 1 et 2. Je pensais que j'avais vu plus que ça, mais non. Donc, je suis en train de découvrir la saison 3. Puis ensuite, il y a la saison 4 et 5 qui est disponible aussi, mais je crois qu'elle est juste en japonais. Donc, je vais pouvoir l'écouter, mais avec des sous-titres. Et il y a un film aussi de disponible. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on est dans le temps de Pâques et hier... c'est ça, mon garçon, ça fait un bout de temps qu'il veut apprendre, qu'il me dit qu'il veut apprendre un instrument de musique. Moi, j'y avais dit, ben apprends le piano, on a un piano dans le salon. Et non, ça ne l'intéressait pas. Puis là, il m'est arrivé avec, il a choisi l'instrument qu'il voulait apprendre. Il m'a dit, j'aimerais ça apprendre le violon. Donc, j'ai demandé à mon professeur de piano si elle connaissait quelqu'un. Et elle connaissait quelqu'un là, qui est à 7 minutes en voiture de chez nous. Là, c'est sur l'île Perrault aussi. Et là, avant d'aller acheter un instrument puis de faire des erreurs, tout ça, j'ai appelé le professeur puis j'ai demandé... des conseils, puis il nous a dit, ben passez, là, vu qu'on est juste à côté. Puis ça nous a permis, on est allé le rencontrer hier, Et lui, c'est un professeur qui enseigne le violon et l'alto. L'alto, c'est comme un violon, mais accordé un octave plus bas. Et c'est plus gros qu'un violon un petit peu. Donc, c'est plus pour les adultes, parce que c'est un peu plus pesant. Et lui, nous a joué des deux pour montrer à mon garçon et pour dire « Voici comment ça sonne un violon, voici comment sonne un alto. » Et moi, quand j'ai écouté les deux, j'étais là aussi, je trouvais ça beau. L'alto, ça sonne comme musique ancienne, c'est plus grave. Puis mon garçon, lui, a choisi finalement d'apprendre des cours d'alto. Donc là, il s'est inscrit. Il va débuter les cours le jeudi à 5h30. Puis moi, j'ai mes cours de piano le soir à 8h. Donc, notre jeudi est rendu cours d'instrument. Donc là, c'est ça. Le professeur nous a donné des conseils sur qu'est-ce qu'on devait aller chercher comme alto. Il dit, bon, de ne pas aller chercher ça dans un magasin là, où ce qu'ils vendent des instruments de musique. Il dit, ça sonnera probablement pas bien là, comme les affaires, là, les enseignes qu'on connaît. Là. Donc, il dit, on est mieux d'aller chez un luthier pour se procurer un alto. Donc, j'ai appelé chez son luthier à lui, qui est quelque part à Montréal. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'on avait besoin. Ils disent, on n'a pas en stock, mais on va vous en monter un. Ça prend une semaine. Donc, j'imagine qu'ils l'ont en pièce, l'alto de 15 pouces et demi. Puis ils vont nous appeler quand c'est prêt, puis on va pouvoir mettre l'équipement dessus que le professeur nous a dit. Bon, il n'y a pas beaucoup d'équipement, là, mais c'est juste des détails. Là. Tel type d'affaires pour tenir, tel type d'archet, puis tout ça. Donc, voilà, mon garçon commence à apprendre l'alto. Et ce qui est le fun, c'est que l'alto et le violon, l'alto et le piano vont très bien ensemble. Ben ça va bien aussi avec un violon, là, mais on va pouvoir probablement jouer ensemble. Si lui apprend une chanson, puis moi je l'apprends aussi, ben moi je vais jouer ma partition, puis lui la sienne, puis ça devrait sonner super bien ensemble. Donc, dans un an, on devrait être bon pour se faire des mini-concerts ensemble. Sinon, quoi d'autre? Je voulais vous donner un update sur mon affaire de carte postale. Tu sais, j'ai été réintégré dans le corps de carte postale. Je leur ai dit que j'allais mettre assez de timbres. Mais là, finalement, ce que j'ai décidé de faire, j'ai commandé chez Post Canada. Tu sais, en ce moment, j'envoie mes cartes partout dans le monde avec seulement un timbre domestique qui me coûte 1,25$. Mais en vrai, il en faudrait 3 là, pour que ça monte à 3,92$ ou 4$. Là. C'est ça le vrai coût. Fait que là, je me suis dit, ben je vais en mettre 3 des timbres. En fait, j'en mets 4 maintenant pour chaque carte postale. Mais j'ai acheté chez Post Canada des timbres pas chers. J'ai acheté 100 timbres à 6 sous. J'ai acheté des 3 sous, 4 sous, puis un 6 sous. J'en ai acheté 100 de chaque, fait que maintenant, quand j'envoie mes cartes postales, je mets un timbre à 1,25, puis je rajoute 6, 4, 3, je rajoute 13 sous. Fait que je mets quand même une pièce et 40 environ, sur mes, alors que je devrais mettre plus. Mais bon, au moins, les gens qui vont recevoir mes cartes postales vont avoir le même nombre de timbres qu'ils devraient. Donc, pour ceux qui collectionnent, ils vont quand même avoir 4 timbres à chaque fois qu'ils reçoivent une carte postale de moi. Sinon, de quoi je voulais vous parler? Je pense que j'avais un petit jeu mental. Oui, c'est ça. On est rendu à ce moment où on va faire un jeu ensemble. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que ça, je l'avais préparé. Un petit jeu de défi mental pour vous aider à vous élever d'un niveau. Bon, c'est ça que j'avais écrit quand même. Je veux vous aider à vous élever. Donc, vous pouvez jouer avec moi. Évidemment, c'est moi qui vais jouer. Moi, je vais répondre aux questions et vous pourrez comparer avec moi. Faites stop si vous voulez prendre le temps de répondre. Donc, on y va. Première question. Trouve 5 objets dans ta pièce qui commencent par la lettre P. Donc, moi, je vois le petit Jésus. Le P, petit Jésus. Il est là. En fait, j'en ai plusieurs des petits Jésus. J'en ai 2 ou 3 sur ma table avec mes affaires de reliques de la mort. Qu'est-ce que je vois d'autre? J'ai une figurine de Hulk Hogan devant moi. Pourquoi? Il n'y a pas de P là-dedans. P. Une sagaie, ma sagaie africaine, il n'y a pas de P là-dedans. Hey, c'est pas trop évident, là, des P. Ma sagaie est pointue, mais c'est pas un objet. Hey, je suis pas bon. P. Poster, j'ai-tu un poster? Non. Il y a le gnome de mon frère qui est à côté de moi, là, le dessin qu'il m'a fait, qu'il m'a donné quand il était jeune, mais c'est pas... Y a-tu des affaires avec P sur le dessin? Non, le gnome, il y a une pipe. Ah oui, une pipe. OK, fait qu'on est rendu petit Jésus, pipe. Il m'en manque trois. Allez, on faut aller vite, là. J'ai un pot. J'ai des pots de fleurs. Quoi d'autre qui commence par P? J'ai un arrosoir, ça par rapport. De la peinture. J'ai la peinture pour peinturer mes perros. Et là, c'est ça qui fait l'émail. Je suis rendu à 4. Et un pain. Et quoi d'autre? J'ai des lampes. Je vois dehors, voiture. Ah, pneus. Je vois les pneus de ma voiture de la maison. Donc, on est rendu à 5. Voilà. J'ai fait de mon mieux. Autre question pour vous. Pensez à un film dont le titre contient un nombre. OK, on réfléchit. Ah oui, ben c'est évident. Dans le Lobster, on peut pas dire autre chose que Blanche-Neige et les sept nains. Ouais, en plus, là, ça contient le mot nain. Je pense qu'on fait des points bonus. Donc, ça, je l'ai trouvé tout de suite. On va aller voir pour vos réponses à vous. Qu'est-ce que vous auriez pu dire? L'intelligence artificielle me dit que pour... le premier, c'est Blanche-Neige et les sept nains. OK, de 1937, c'est celui qui m'est venu en tête. Il y a les sept nains aussi. Une comédie allemande parodiant le conte de Blanche-Neige. Ça s'appelle Sept Swirls. Ben, ça doit être, c'est en allemand, là. Zwerge Manor Allen in Wall. C'est un film de 2004. Ah, je le connais pas. Oh, je pense qu'on va écouter la bande-annonce. On écoute la bande-annonce des sept nains en allemand. Sieben Zwerge. Bubi. Chaco. Cookie. Claudi. Sunny. Speedy. Und Brumbos. Ein unschlagbares Team. Doch sie haben Feinde. Und die meinen es ernst. Doch gemeinsam sind sie stark. Vorwärts, Männer! Sie kämpfen mit modernsten Präzisionswaffen. Bon, on vient d'écouter environ la moitié de la bande-annonce. En gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit les... Ben, vous avez entendu leur nom, les sept nains. Ils ont tous l'air plus idiots les uns que les autres. Le film est disponible au complet, si jamais vous parlez allemand, que ça vous tente de l'écouter. Il est disponible sur YouTube. C'est un peu niaiseux, là. Il y a une méchante, là, puis Blanche-Neige est super sexy dans ça. À chaque fois qu'elle défait ses cheveux, ben, d'après ce que je vois, là, elle défait ses cheveux, puis les chapeaux des nains, ils lèvent dans les airs comme si qu'il était en érection quand il la voit, là, puis là, elle dandine ses cheveux dans le vent, là. Puis c'est quoi d'autre? Ah oui, c'est ça, on voit les sept nains, ils se rendent comme pour essayer de délivrer Blanche-Neige qui a été capturée ou quelque chose du genre. Puis c'est ça, ils sont sur un cheval, mais le cheval, il est super long du corps. Les sept nains sont assis dessus, fait que c'est quand même, ça a l'air comique. Donc, voilà pour les sept nains en allemand. Sinon, qu'est-ce que nous dit ChatGPT? Des choses avec... Il y a sept... les dix petits... ah oui, ça, c'est le film. OK, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait quelque chose avec... Un titre qui contient un nombre. Et là, l'intelligence artificielle nous dit les 10 petits bips. Là, faut que je bip. C'est un mot qu'on dit plus. Ah oui, c'est l'affaire d'Agatha Christie. Ben oui, c'est vrai. Quoi d'autre? Le reste, c'est pas intéressant. Donc, on continue avec mes questions. On va faire ça vite. Nouvelle question pour stimuler votre esprit. Imaginez une couleur qui n'existe pas encore et décrivez-la. Ça, c'est l'intelligence artificielle là, qui m'a sorti un petit quiz comme ça. Donc, moi, si j'avais à inventer une couleur, c'est quand même une bonne question. Moi, tout de suite, ça me fait penser à Umami. Tu sais, c'est le nouveau goût là, qui est apparu, qui n'existait pas quand on était jeune. Tu sais, il y avait salé, sucré, salé, amer, acide. Puis à un moment donné, dans les années 2000, ils sont arrivés. Il y a Umami, là, qui est reconnu maintenant comme la cinquième saveur fondamentale. Donc, de trouver une nouvelle couleur, ça serait un peu comme d'arriver avec Umami pour moi. Donc, moi, ma couleur inventée, je pense que... Ça serait une couleur que seulement les daltoniens voient. Juste mon ami Nicolas peut l'avoir. Ça serait la couleur Chuck Mauve. Ouais. C'est juste les daltoniens qui regardent une photo de Chuck Norris trop longtemps qui pourraient voir la couleur. Ça fait, tu regardes la photo de Chuck Norris, puis tes yeux finissent par capoter en regardant ça. Puis en même temps, en plus, de voir la couleur Chuck Mauve apparaître, tu apprends le karaté. Vu que tu as quand même regardé Chuck Norris longtemps en photo, ça te donne un pouvoir. Donc, voilà. Voilà. Ah oui, ça me fait penser. En fait, c'est un prétexte pour jaser, là, ce quiz-là. La semaine passée, quand je me suis rendu en ville pour travailler, je travaillais au complexe des jardins, puis le midi, je vais manger avec mes amis qui sont un peu plus jeunes. Puis, il y en a un qui veut toujours essayer des nouveaux restaurants. Puis, moi, j'y connais pas mal tout dans le quartier chinois. Mais là, il en avait trouvé un nouveau que personne n'était allé. Je me rappelle pas du nom, par exemple. Mais quand on est rentré là, c'était drôle parce qu'il y avait des photos de Bruce Lee partout d'affichés. Puis on comprenait pas trop pourquoi. Puis on n'a pas vraiment compris non plus. Mais c'était pas bon. C'était pas bon ce nouveau restaurant-là. Ils nous ont servi quelque chose. On a pris tous les trois des genres de bols de nouilles croustillantes avec des légumes par-dessus. Mes amis, eux autres, avaient pris du canard par-dessus. Moi, vu que c'était la première fois, j'ai dit, je vais prendre au standard, au poulet, là, pour pas me ruiner sur le canard. Puis eux, c'était pas bon. Il y avait pas beaucoup de canard, puis il y avait plein d'os dans le canard, fait que c'était un peu décevant. J'ai-tu noté le nom du restaurant? Comment ça s'appelait? En tout cas, si vous rentrez dans un restaurant qui est brosselé partout, eh bien, c'est pas une bonne idée, vous devriez ressortir. Sinon, on continue notre quiz. On se fait une dernière question. La dernière question, c'est: pensez à une question qui vous met toujours de bonne humeur. Bon, vous, ça serait quoi? Moi, je le sais déjà, il y a une chanson qui me vient toujours en tête qui pour moi signifie bonne humeur. Donc, on va l'écouter, je crois. Et ça sera la fin. Ça va nous amener à la fin du Lobster. On a plus d'une heure d'enregistrer. Puis justement, ça me fait penser de chansons dans le Lobster. Tu sais, moi, je passe des chansons, puis là, j'ai reçu un message de Spotify. Il dit, on va tout enlever tes épisodes sur Spotify. C'est tout ça, Spotify? Oui. Et tous mes épisodes, je pense, vont être enlevés parce que moi, je passe de la musique. Puis ils m'ont dit que j'ai pas les droits pour passer de la musique. Fait que là, j'ai répondu à leur courriel. J'ai dit, ouais, j'ai une licence de la SOCAN pour ça. Je lui ai envoyé mon numéro de licence. Mais là, évidemment, mon courriel doit être perdu dans les dédales de Spotify. Puis. Fait que là, j'ai juste pas répondu à tous les courriers qu'ils m'ont envoyés. J'ai dit de la merde. S'ils sont pour m'enlever, qu'ils m'enlèvent. On fait pas ça pour les sous ou pour le... peu importe. Donc, le Lobster, il va toujours être disponible. Il est disponible sur archive.org. C'est là que je le dépose. Sinon, quand vous allez sur Balado Québec, vous pouvez cliquer dessus, l'écouter là. Il est disponible partout ailleurs, sauf que maintenant, je crois que sur Spotify, il sera plus là. À cause de ces... je pense qu'il faudrait que je m'en... Les gens qui ont des problèmes là, avec les grosses compagnies comme ça, ils disaient qu'ils sont obligés d'engager des consultants qui savent par où passer pour se faire écouter, puis pour faire débloquer, disons que tu te fais bloquer ton compte qui te rapportait de l'argent ou des choses du genre, eh bien, tu n'as pas le choix maintenant d'engager un consultant qui, lui, a des contacts et qui est capable de faire débloquer tes choses. Mais comme dans mon cas, je fais pas ça pour les sous, donc je veux pas dépenser, là, payer quelqu'un qui va aller dire à Spotify, ben oui, il a sa licence, puis il devrait pas payer. Là, je lui ai expliqué par courrier, puis j'ai envoyé une photo de ma licence, mais bon, de la merde. Tu veux m'enlever? Enlève-moi. C'est ça. Donc voilà, on termine en musique. Donc, on se privera pas. Ils ont beau enlever l'épisode. Nous, on continue à écouter de la musique. Donc, merci d'avoir écouté ce Lobster 164.0. Et on termine avec ma chanson qui me rend toujours heureux. C'est un grand succès, mais je pense plus que ça passe bien à la radio. Donc, c'est beau. On se reparle la semaine prochaine. Sur ce, on écoute La Compagnie Créole. Pas moyen de C'est moins l'amour, c'est moins tout tout si près. Quinzaine tombée, ben tu l'as pas payé moins. Par pitié, par l'humanité, ouvert la porte, pas moins. Et pas moins un petit bon, des petits bons, soit petit bon de tout. Pas moins un petit bon, des petits bons, soit petit bon l'amour. Pas moins un petit bon, des petits bons, soit petit bon. Pas moins tout ça roulé, pour soulager chez moi. Pas moins un petit bon, des petits bons, soit petit bon de tout. Pas moins un petit bon, des petits bons, soit petit bon l'amour. Pas moins un petit bon. Changer plus magio, tout petit pied bois qu'a changé feuillage. Alors si on aime.